La science CQFD, Natacha Trioux. Le 29 février prochain, ce sera la journée internationale des maladies rares. En quoi constitue-t-elle à la fois un défi scientifique, sanitaire et politique ? On connaît tous au moins une personne concernée, 3 millions de patients en France, ce qui correspond à une personne sur 20. Elle touche près de 6% de la population mondiale. Les malades ne sont pas rares, et dans 95% des cas, ces pathologies sont dites orphelines, c'est-à-dire sans traitement efficace. Grâce à l'impulsion des mouvements associatifs, elles sont devenues une préoccupation de santé publique avec plusieurs plans nationaux depuis 2005. Comment la recherche et les soins ont-ils progressé ? Maladies rares, rendez-vous en thérapie inconnue. Guillaume Canot, bonjour. Bonjour Natacha Trioux. Vous êtes néphrologue à l'hôpital Necker Enfants Malades et chercheur INSERM. Vous coordonnez avec Agnès Linglard le 4e plan national maladies rares. Agnès Linglard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, coordinatrice du centre de référence pour les maladies fosfocalciques ainsi que la filière santé maladies rares Oscar. Et Yann Cornillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'INSERM avec comme grand angle pour ce numéro 59, maladies rares, l'ère des traitements, et vous co-animerez à mes côtés cette émission, une émission en partenariat avec l'INSERM. Merci d'être avec nous en direct, en studio, et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on vous poste plein de liens, de ressources complémentaires, c'est tout de suite sur notre fil @sciencesqfd. Comment s'est structurée la prise en charge des maladies rares en France ? Comment proposer un diagnostic rapide pour tout le monde ? Quelles sont les pistes de recherche les plus prometteuses pour l'élaboration et le développement de thérapies ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour, avec la description de l'une de ces pathologies, la myopathie. Nous sommes en 1972. Ces enfants sont myopathes, c'est-à-dire qu'ils sont atteints d'une maladie qui s'attaque à leurs muscles et les rend progressivement infirmes. Il en existe des formes à évolution lente, relativement bénignes, mais les formes graves, les plus nombreuses, sont hélas régulièrement mortelles. La myopathie est responsable chaque année de plus de morts que la leucémie. Le professeur Jean Desmos, maître de recherche à l'INSERM qui a consacré sa vie à l'étude de la myopathie, nous parle de cette maladie. Elle commence de façon banale. En général, il s'agit chez l'enfant de retard au premier pas, de difficultés à monter les escaliers, à se redresser quand ils sont par terre, l'impossibilité de sauter et bien souvent de courir. Au début, ces symptômes ne sont pas très évocateurs. Mais petit à petit, au fil des mois et des années, les troubles s'accusent et l'enfant finit par ne plus pouvoir monter les escaliers, ne plus pouvoir se redresser. Et enfin, il cesse de marcher lorsqu'il n'est pas traité autour de la 9e-10e année. Est-ce qu'on sait les traiter ? Nous n'avons malheureusement pas de médicaments d'action curative à proposer encore aujourd'hui. Mais nous pouvons ralentir vraiment l'évolution de cette maladie dans cette forme à évolution rapide, à condition de les traiter tôt et convenablement, quotidiennement, par un traitement physiothérapique à visée vasodilatatrice. Voilà la voix de Jean Desmos, maître de recherche à l'INSERM sur la ORTF en 1972. Guillaume Canot, plus de 50 ans plus tard, quelles sont les avancées sur la myopathie ou sur les maladies rares plus généralement ? Alors les choses ont tout de même un peu progressé depuis 1972. La France a été pionnière et assez leader dans la prise en charge des maladies rares, dans son organisation globale pour les patients en termes de filières, de structuration de prise en charge. On a progressé sur la façon dont on prend en charge ces malades d'un point de vue diagnostique, avec l'avancée de la génétique, et on va en discuter, je pense, tout au long de l'émission. Les diagnostics moléculaires sont plus faciles qu'auparavant. L'avancée des technologies génétiques permet de faire des diagnostics qui ont été impossibles il y a encore quelques années. Et puis maintenant, on l'a entendu à la fin du reportage, mais on commence à pouvoir envisager des traitements, notamment pour certaines maladies. Donc les choses avancent, se structurent, mais nécessitent de faire encore des progrès. Votre réaction, vous ici, à cette écoute, Agnès Linglard ? En fait, on remarque dans ce reportage que la description clinique, elle reste quand même importante, voilà, dans la caractérisation de la maladie. C'est encore vrai aujourd'hui, sauf que l'intérêt, c'est maintenant de collecter toutes ces données dans des bases de données bien structurées qui peuvent profiter à tout le monde. Donc ça, c'est un point qu'on peut quand même souligner. C'est super. Déjà, avec votre intervention, on a quelques pistes de notre plan de cette émission. Votre réaction, vous aussi, Yann Cornillier. Oui, en fait, l'exemple, il est un peu caractéristique aussi au niveau de l'implication des associations de patients, puisque les myopathies, tout le monde connaît le Téléthon, l'Association française contre les myopathies, et l'implication des associations a permis vraiment que la France, finalement, prenne comme enjeu sanitaire les maladies rares. On va dérouler évidemment tout au long de cette heure toutes ces pistes que vous venez d'énoncer, mais tout d'abord peut-être un peu définir de quoi on parle, quels sont les critères qui permettent de regrouper certaines pathologies sous cette appellation ? Alors on parle de maladie rare quand on a une personne sur 2000 qui est atteinte, en tout cas c'est la définition qu'on a retenue en France et dans beaucoup de pays, ça change un peu en fonction des pays, aux États-Unis c'est une personne sur 1500, j'avais lu qu'au Japon c'était un sur 2500, en tout cas ça reste une pathologie qui touche un petit nombre de gens, mais qui finalement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, concerne beaucoup de Français, puisqu'il y a entre 6 et 10 000 maladies rares, c'est pas très bien défini. Une personne sur 2000, ça représente environ une personne sur 20 ou sur 30 en France qui est porteuse potentiellement d'une maladie rare. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour finalement un grand nombre de nos concitoyens. Agnès Linglard. Ce qu'on peut dire, c'est que il a été important pour ces pathologies qui sont rares de pouvoir bien les identifier et les reconnaître. Et donc, Orphanet, c'est une structure qui nous a permis de bien les codifier. Et donc, effectivement, quand on est dans cette définition de 1 sur 2000, on va pouvoir donner un code bien spécifique et reconnaître au milieu de toutes les autres pathologies les maladies rares. Donc ça, c'était un point important. Vous dites plus de 6000 maladies, on va pas pouvoir toutes les énumérer, mais quelles sont-elles, quelles sont justement ces maladies ? Alors, il est difficile de toutes les définir, comme vous avez dit, mais on sait que 80% de ces maladies rares sont d'origine génétique. Donc, il y a un ou plusieurs gènes impliqués qui peuvent expliquer l'apparition des symptômes et puis l'aggravation progressive de la maladie. Après, il y a d'autres types de maladies, des maladies inflammatoires, où vous avez votre système auto-immun, par exemple, qui se retourne contre votre corps, pas forcément conduite par des anomalies génétiques, mais qui en tout cas nécessite une prise en charge très particulière. Donc on progresse avec les nouvelles techniques de génétique, de biologie, dans les diagnostics, dans la compréhension des maladies, mais on a besoin de faire encore un peu plus de progrès. Vous dites génétique, origine auto-immune, on a aussi des maladies rares qui peuvent être d'origine infectieuse, il me semble également, Agnès Linglard. Alors, les maladies infectieuses ou les cancers rares ne rentrent pas... C'est vrai qu'il y a des maladies infectieuses rares qui peuvent rentrer dans la définition 1 sur 2000, mais dans toute la structuration, l'organisation des soins autour des maladies rares, c'est destiné aux pathologies rares qui ne sont pas des maladies infectieuses ou qui ne sont pas des cancers rares. Là, ça va être un autre type d'organisation qui va être plutôt ciblé pour ces patients-là. Yann Cornillier. Oui, alors justement, on parlait d'Orphanet tout à l'heure. Ouais. Je voulais juste préciser que c'est une base de données qui recense toutes les maladies rares, en tout cas qu'on a identifiées, et qui est une base de données de l'INSERM, qui existe depuis 20 ou 25 ans, je crois, si je me trompe pas. Et donc, elle est accessible. Donc, si vous voulez avoir de l'information sur une maladie rare, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Orphanet et taper le nom de la maladie. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Et peut-être aussi préciser que... Alors, évidemment, il y a des maladies rares très connues, on va dire comme les myopathies, et que effectivement, il y a à peu près 2% des maladies rares qui regroupent 80% des patients. Mais en réalité, il y a 98% des maladies rares qui ne comportent que quelques patients, parfois quelques-uns seulement. Donc c'est là où vraiment le terme maladie rare prend tout son sens et tout l'enjeu de la recherche pour ces maladies. On parle aussi de maladies beaucoup avec les maladies rares, de maladies orphelines. On dit orphelines, donc ce sont des maladies qui sont orphelines de solutions thérapeutiques. Et ça concerne 95% des maladies rares. Tout à fait. 95% des maladies rares n'ont pas de traitement, donc des traitements symptomatiques, mais pas de traitement étiologique qui puisse arriver à une guérison, ou en tout cas contrôler la maladie. Et ça va être un des objectifs justement du plan que l'on va proposer avec Agnès et puis avec tous les gens qui ont travaillé, on va revenir dessus. Il y a différents types de traitements possibles en fait pour ces pathologies maintenant, et c'est ce qu'on va essayer de démocratiser un peu plus. On peut faire du repositionnement de molécules qui étaient développées pour une indication et qu'on va utiliser dans une autre indication. favoriser justement le développement de nouvelles thérapeutiques en poussant et en aidant les industriels. Et puis, il y a la thérapie génique dont on reparlera, qui peut permettre d'arriver à des guérisons dans un certain nombre de cas. Oui, comme vous disiez, la France a vraiment été pionnière en la matière. Elle a joué un rôle clé dans la prise en charge des maladies rares en Europe, mais aussi dans le monde. C'est un des premiers pays à avoir structuré cette prise en charge. Agnès Linglart, comment s'est structurée justement cette prise en charge des maladies rares dans notre pays? Il y a eu plusieurs plans nationaux. Alors c'était vraiment, il y a vraiment eu l'idée d'une coordination nationale pour structurer les soins, la recherche, la formation autour des maladies rares. Et donc c'est depuis, ça a commencé en 2004, le premier plan national maladies rares, où le gouvernement a mis des fonds sur la table pour structurer les soins et puis coordonner les actions de recherche, etc., les actions sur le territoire. Donc le premier plan national maladies rares, donc qu'on appelle maintenant le plan 1, a permis de structurer tout un réseau de centres de référence maladies rares. Donc à l'époque, il y en avait plus d'une centaine. Aujourd'hui, on est presque à 150 centres de référence qui permettent de faire un maillage territorial. Et la définition d'un centre de référence, c'est une concentration d'experts dans un hôpital, dans une ville, avec une équipe multidisciplinaire et qui fait de la recherche sur un groupe de maladies rares. Ensuite, la structuration a évolué et on a vu le besoin de regrouper ces centres de référence en filières de santé maladies rares. Donc, ce sont des réseaux qui sont plus gros, qui sont coordonnés à l'échelle nationale, qui permettent d'intégrer plus d'acteurs comme les associations de patients, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche aussi, hein, les unités INSERM par exemple, et qui ont vraiment une mission. Donc on a 23 filières de santé maladies rares en France qui fonctionnent beaucoup par organe. On a la filière pour le foie qui s'appelle FILFOIE, la filière pour les maladies du poumon, la filière dont je m'occupe, c'est celle pour les maladies de l'os et du calcium. La filière Oscar. Voilà, filière Oscar, exactement, pour les maladies de l'os, du calcium et du cartilage, c'est pour ça que ça s'appelle Oscar. Et puis le troisième plan maladies rares, il est vraiment venu là pour consolider ces actions, cette structuration, et aussi apporter des initiatives qui venaient vraiment renforcer le diagnostic et la recherche. Donc on peut mentionner par exemple la base de données nationale maladies rares, hein, qui a pris vraiment de l'ampleur pendant le troisième plan et dont on reparlera vraiment beaucoup pour le quatrième plan, et qui est une banque de données de santé en fait, où sont collectées les données des patients qui ont une maladie rare. On peut aussi mentionner le plan France Médecine Génomique, qui est l'idée de pouvoir proposer aux patients qui ont une maladie rare et qui sont en impasse diagnostique, un séquençage de leur génome entier. Donc ça, c'est vraiment des initiatives extrêmement contributives à cette structuration des soins et de la recherche. Brièvement, Guillaume Cano, ce quatrième plan national, qu'ambitionne-t-il? Il y a 300 personnes qui travaillent dessus, à peu près. Alors effectivement, on a donc eu ces trois plans successifs, et maintenant on arrive peut-être à une nouvelle ère, on va dire, puisque qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour la suite? On a vu que la structuration a été tout à fait satisfaisante en France, la recherche est globalement efficace, mais il faut qu'on puisse avancer un peu plus et proposer des choses plus ambitieuses. On va, au travers de quatre axes avec Agnès et puis tous les gens qui ont travaillé, parce que comme vous l'avez souligné, on a regroupé tous les experts qui s'occupaient de pathologies rares, mais également les associations, et puis on a fait participer également les industriels intéressés par les maladies rares, les industriels du médicament, les industriels de biologie. On était globalement à peu près 300 à travailler sur les 6 derniers mois. 4 axes de travail. Un premier, c'est améliorer la connexion ville-hôpital, faire en sorte que les malades puissent circuler facilement de la ville à l'hôpital, que les informations soient fluides entre les médecins et le personnel paramédical hospitalier et celui de ville, améliorer la formation, on en rediscutera. Le deuxième axe, qui est un axe majeur pour nous, c'est l'accès au diagnostic, et donc surtout le diagnostic moléculaire. Même si les plans précédents ont permis de faire de bonnes avancées, notamment le plan France Médecine Génomique, il reste encore une marche que l'on peut franchir et on va essayer de se donner les moyens d'y arriver. La troisième partie, à partir du moment où vous avez un diagnostic qui a été fait, vous pouvez avoir accès à du traitement, donc c'est pour ça que le diagnostic est majeur. La troisième partie sera donc comment faciliter l'accès à l'innovation thérapeutique pour les patients. Et puis le dernier axe, ce sera effectivement, les cohortes, comme vous le disiez Agnès, c'est extrêmement important d'avoir des cohortes de patients, des patients pour lesquels on a une idée parfaite de l'histoire naturelle de leur maladie, comment elle progresse, comment on peut imaginer du coup de nouveaux essais cliniques à partir de ces banques de données et pouvoir connecter tout cela avec l'Europe parce qu'on est un pays européen. Justement, comment améliorer le diagnostic? Quels sont les moyens de lutter contre l'errance diagnostique, voire l'impasse diagnostique de telles maladies? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous parlons de maladies rares avec Guillaume Canot et Agnès Linglard. Cette émission est en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. Nous venons de voir comment s'est structurée la prise en charge des maladies rares en France. On vient également d'évoquer le vide thérapeutique. 3 millions de personnes touchées en France, plus de 6 000 maladies rares recensées en tout. Mais il n'existe un traitement que pour 5% d'entre elles. Vous l'avez évoqué un instant, Guillaume Canot, il faudrait donc articuler, améliorer, contribuer à une meilleure articulation ville-hôpital. Et vous avez aussi suggéré d'améliorer la formation en médecine et des docteurs. Dans quel sens? Alors, une vaste question. Comment améliorer? Effectivement, on se rend compte que les étudiants en médecine, et puis après les internes, ont un peu perdu au cours des dernières années, justement, ces connaissances sur les maladies rares. Il y a eu des réformes successives des études de santé et qui ont surtout abouti à renforcer, on va dire, les compétences sur les maladies communes, diabète, hypertension, cancer, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les maladies rares avaient été un peu laissées de côté et au fil des années, les étudiants n'avaient pas été forcément sensibilisés au fait qu'il y ait justement des filières de santé maladies rares, des centres de compétences, des centres de référence, etc. Au cours du plan maladies rares numéro 3, il y a eu un module qui a été créé justement pour les étudiants en médecine et on va essayer de renforcer ce module pour les étudiants, pour les internes, mais pas uniquement en fait. On veut aussi permettre à toutes les personnes qui travaillent en ville, pharmaciens, dentistes, médecins, monde paramédical, de pouvoir également avoir accès à la formation continue et à pouvoir connaître ces maladies rares, parce que tout le monde est impliqué dans la prise en charge des maladies rares, et je pense notamment aux médecins scolaires. Oui, puisque l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe 240 associations malades, a mené une enquête avec le soutien de l'INSERM en 2016, l'enquête ERADIAG. Selon cette enquête, la moitié des patients interrogés avaient obtenu un diagnostic un an et demi après la survenue des premiers symptômes, et un quart avait attendu plus de 5 ans. Alors une errance qui en plus était genrée, puisqu'il est fréquent que les femmes s'entendent dire par les médecins « c'est dans votre tête, madame ». Agnès Linglard. Non, c'est tout à fait vrai. Hein. On estime effectivement que le retard au diagnostic, c'est-à-dire entre le moment où le premier signe de la maladie apparaît et le moment où le diagnostic est posé, la moyenne, c'est à peu près 4 ans. Donc, c'est beaucoup trop long. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de choses qui s'installent entre les deux. Un certain nombre de maladies sont diagnostiquées dès la naissance parce qu'il va y avoir des symptômes graves, visibles, etc. Et puis, d'autres maladies peuvent n'être diagnostiquées qu'à l'âge adulte. Et on sait bien aujourd'hui que, en fait, plus le diagnostic est effectué tôt, plus la prise en charge ou la prise en soin est faite tôt et meilleurs sont les résultats, quels que soient les traitements qui sont mis en place. Donc c'est important d'acculturer, de former. Donc on a parlé avec Guillaume des étudiants en médecine, des médecins généralistes, des pharmaciens, mais il faut aussi mentionner finalement tous les acteurs que vous allez rencontrer quand vous avez une maladie rare. Donc la personne qui est à la maison départementale pour les personnes handicapées, à l'agence régionale de santé, la personne qui vous aide dans votre dossier sécurité sociale, etc. Autre souci, Yann Cornillier, il y a très peu de bioinformaticiens qui savent lire les résultats de tests génétiques. Le problème effectivement des tests génétiques, c'est que, alors il y a eu avec le plan France Médecine Génomique justement une augmentation des tests génétiques, mais que c'est encore très limité pour pouvoir tester tout le monde, et puis ça prend beaucoup de temps. Déjà, de collecter. Après, le problème, c'est pas d'analyser l'ADN, mais c'est surtout de l'interpréter et donc de trouver la bonne mutation au bon endroit, la petite molécule d'ADN qui a bougé. Ça, il faut avoir des compétences très spécifiques de biostatisticien, effectivement, pour pouvoir identifier et ensuite le relier à une pathologie puis pour faire le diagnostic. Oui, puisqu'en effet, il y a beaucoup de variations génétiques qui ne sont pas pathogènes, Guillaume Canot. Effectivement. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Agnès, on est vraiment à un moment donné où il faut bien comprendre qu'on veut essayer de faire passer un message aux médecins aussi de ville, c'est la culture du doute. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un patient qui vient avec un diabète à l'âge de 20 ans ou un infarctus à l'âge de 20 ans, et bien que c'est banal. Hein. Ça, c'est, voilà, il faut toujours essayer de se remettre en question. Vous entendez une personne sur 20. Donc, les médecins généralistes, toutes les personnes, encore une fois, qui prennent en charge les patients en ville sont confrontés à potentiellement des maladies rares sans le savoir. C'est pas normal d'avoir un diabète à 20 ans, en tout cas un diabète gras entre guillemets, ou de faire un infarctus aussi jeune. Donc il faut aller chercher s'il n'y a pas des maladies génétiques, un Fabry, une maladie lysosomale, peu importe, autre chose. Donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, pour revenir sur ce que disait Yann, c'est un des enjeux majeurs du plan. On a eu au cours du plan numéro 3 la mise en place de ce plan France Médecine Génomique qui permet donc de débobiner l'ADN d'un certain nombre de patients et puis de leur entourage pour pouvoir le comparer. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Il y a eu des moyens qui ont été donnés, mais il y a deux plateformes en France pour couvrir tout le territoire national. 3 millions, entre 3 et 4 millions de patients qui auraient besoin d'avoir des tests génétiques. Donc on se rend compte qu'il y a un besoin supplémentaire pour arriver à faire plus de diagnostics, ouvrir, élargir le spectre en tout cas des possibilités de tests, et ensuite des possibilités pour analyser ces fameux variants, c'est-à-dire quand on trouve quelque chose sur l'ADN qui n'est pas connu encore, qu'est-ce qu'il en est ? Il faut des bioinformaticiens, puis ensuite il faut des chercheurs, à l'INSERM ou ailleurs, pour essayer de comprendre si ce que l'on trouve est normal ou pas normal. Oui, comme vous dites, 3-4 millions de patients qui sont atteints de maladies rares en France, et on a donc un nombre de tests génétiques insuffisants. Alors on a un vrai potentiel hein, pour faire du diagnostic génétique, puisqu'en fait il y a beaucoup de techniques différentes. Alors la technologie elle évolue à la vitesse grand V, donc il faut c'est un vrai défi hein, de pouvoir s'adapter, d'implémenter des nouvelles techniques et de les appliquer au diagnostic. Ça c'est un moyen d'accélérer le diagnostic et de permettre à plus de patients d'avoir accès à un diagnostic. Mais on a encore un délai, si l'accès au diagnostic existe, on a encore un délai qui est trop long finalement, entre le moment où on dit il faut faire une prise de sang pour extraire l'ADN, séquencer l'ADN, faire le diagnostic, faire ce qu'on appelle de l'exome ciblé, c'est-à-dire vraiment ne regarder que quelques gènes, ce qui est la technique la plus utilisée aujourd'hui pour le diagnostic des maladies génétiques. Et puis ensuite, on a évoqué la lecture avec la bioinformatique, etc. Et puis ensuite, le rendu du résultat. Tout cela implique une chaîne qui est longue, qui implique beaucoup d'acteurs différents, et donc qu'on doit arriver à simplifier. On a une question, par exemple, d'essayer d'avoir des outils uniques. Avoir quand on fait une analyse génétique, il faut que le patient donne son consentement. On doit expliquer... faire une consultation dédiée qui permet d'expliquer qu'est-ce que c'est une analyse génétique, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut ne pas trouver. Et donc, ce consentement, qui est un document écrit, signé, eh ben, finalement, il faudrait un outil unique pour que tout le monde puisse travailler avec la même chose. Et ça serait plus simple et plus rapide. C'est un des exemples de moyens de simplifier le diagnostic. Yann Cornillier. Oui, je pourrais ajouter aussi, effectivement, qu'on peut ne pas trouver avec l'étude génétique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vu une mutation ou même pas une mutation qu'on peut identifier une maladie. Donc il y a aussi un besoin d'unité encore, de collecter, de mettre en commun en fait les profils génétiques des personnes qui ont été analysées pour pouvoir les comparer entre les équipes de recherche. Et il y a un consortium qui s'est mis en place qui s'appelle SolveRD, d'où il y a des unités INSERM et d'autres et Orphanet pour mettre en commun et pour pouvoir les comparer et ainsi d'augmenter les chances d'identifier les maladies pour ces profils qu'on n'a pas réussi à identifier au premier coup. Guillaume Cano. Oui, effectivement, vous avez raison, il y a le collecteur analyseur de données qui est en fait un outil qui est un superbe outil, qui commence enfin à se mettre en route alors qu'il avait été programmé il y a quelques temps. Et justement, que l'on va essayer d'appuyer le plus possible avec Agnès, avec tous les gens qui ont travaillé sur le plan, cet outil va nous permettre de collecter toutes les informations de génétique de patients qui auront été testés en France et effectivement permettre d'un côté, voilà, pour ceux pour lesquels le diagnostic est simple d'être fait, mais pour ceux pour lesquels on ne trouve pas de diagnostic, d'arriver à avoir des cohortes de gens où on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs patients qui ont la même présentation clinique pour lesquels on ne trouve pas de mutation. Après, on peut se replonger un peu plus pour essayer d'arriver à identifier un ou plusieurs gènes malades. Voilà, ce collecteur analyseur de données, c'est un outil qui peut être là pour faciliter à la fois le diagnostic génétique et la recherche. Toujours sur la question de diagnostic et de diagnostic précoce, vous évoquez l'importance justement du diagnostic dès la naissance. Alors depuis janvier 2023 en France, on est passé de 6 à 13 maladies testées à la naissance. Mais avec 13 maladies dépistées, on est loin, loin derrière l'Italie qui en dépiste plus de 40. Et on se retrouve à la 22e place des pays européens, Agnès Linglart. Non, exactement. Exactement, c'est un point vraiment important parce que cette notion de raccourcir le délai au diagnostic passe d'emblée par le dépistage néonatal. On pourrait même parler de ce qu'on appelle le diagnostic anténatal, c'est-à-dire d'aider les familles quand on identifie des signes de maladies rares par une échographie, par un examen anténatal. Et le dépistage néonatal, là, on souhaite vraiment, avec Guillaume, avec le groupe de travail qui a travaillé sur le dépistage anténatal, s'aligner sur l'Europe et pouvoir offrir le dépistage des maladies pour lesquelles il existe un traitement et qu'on pourrait mettre en place de façon précoce et prévenir la survenue des complications. Donc, on travaille sur cette liste de potentielles maladies qui, de jour en jour, augmente, heureusement. Guillaume Canot. Effectivement, et puis il faut imaginer aussi qu'on va changer d'outil, puisque jusqu'à présent on utilise des papiers Buvard, en fait des techniques un peu anciennes, spectrométrie de masse, maintenant on a des outils génétiques qui peuvent faire grandement évoluer les choses. Après, ça a un coût, donc il y a toujours une balance à mettre en place, mais effectivement c'est un objectif clé de ce plan, c'est d'arriver à augmenter le nombre de patients diagnostiqués pour pouvoir encore une fois mettre en place des traitements tôt. À propos de traitements, quelles sont les thérapies à l'étude? Comment faire pour que les patients atteints de maladies rares aient accès à des traitements rapidement? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. Direct sur France Culture, Dépêche Mode, Check the Disease, car nous parlons en partenariat avec l'INSERM, nous parlons de maladies rares en compagnie de nos deux invités du jour, Guillaume Canot, néphrologue à l'hôpital Necker, enfant malade et chercheur INSERM, coordinateur du 4e plan national maladies rares, avec Agnès Linglart, professeure de pédiatrie, coordinatrice du centre de référence pour les maladies phosphocalciques, ainsi que de la filière santé maladies rares Oscar, et Yann Cornillier, responsable des publications multimédia INSERM, qui co-anime avec moi cette émission. Alors, comment faire pour que les patients atteints de maladies rares aient accès à des traitements rapidement? Guillaume Canot, vous êtes lauréat du prix Galien 2022 pour vos travaux sur le syndrome d'hypercroissance disharmonieuse, aussi appelé le syndrome de Clove, une hypercroissance des tissus et organes qui conduit à des déformations parfois létales. Et vous avez découvert un traitement par repositionnement. L'histoire commence en 2015 à Necker. Est-ce que je peux vous demander de nous la raconter? Oui. Vous avez tout dit quasiment. Non, mais c'est exactement ça. Les patients que l'on voit ont des anomalies génétiques localisées. C'est un petit peu différent de ce dont on parlait tout à l'heure, où il faut faire une prise de sang pour avoir le diagnostic génétique. Là, il faut faire une biopsie du tissu malade si vous voulez avoir une chance de trouver la mutation. Et c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure 4 ans d'errance diagnostique avant d'avoir un potentiel test génétique, eh bien, moi, il m'arrive de voir des gens qui ont plus de 70 ans et qui n'ont jamais eu de diagnostic génétique réalisé avant de venir nous voir à Necker. En fait, moi, je suis néphrologue de formation. Je m'occupe des maladies du rein, initialement. J'avais une équipe de recherche toute petite, où je débutais à l'époque en 2015, qui s'intéressait aux maladies rénales chroniques et à une voie de signalisation, une voie dans les cellules qui contrôle la croissance, si vous voulez, des cellules. Et en 2015, il y a eu un concours de circonstances assez incroyable, un alignement des planètes, on pourrait dire, puisqu'on a un patient qui est venu nous voir parce qu'il avait une maladie rénale avec ce fameux syndrome de Klotz, donc des déformations assez diffuses et une pathologie qui était extrêmement sévère et avancée chez lui, puisqu'il y avait un pronostic vital qui était engagé. Un diagnostic génétique qui avait été fait un an auparavant chez lui, alors qu'il était en Suisse à l'époque. Enfin, il avait pas mal circulé, mais il était en Suisse quand le diagnostic génétique a été fait. Donc, il est arrivé avec ce diagnostic en main. Et un gène qui était un peu nouveau, qui avait un nom un peu compliqué, mais qui s'appelle PIK3CA. Et ce gène qui avait été diagnostiqué pour la première fois en 2012. Donc, nous, en 2015, quand on le voit, c'est le premier patient que l'on voyait atteindre cette pathologie. Et compte tenu de la sévérité de l'atteinte de cette maladie, on a commencé à creuser un peu dans la littérature, et on s'est rendu compte que le gène qu'il portait, qui était malade chez lui, était fréquemment retrouvé en malade en cancérologie, notamment en cancérologie du sein, un tiers des cancers du sein, 25% des cancers du côlon. Et on s'est dit que si ce gène était aussi fréquemment malade, c'est un gène qui travaille trop, il devait y avoir des industriels de la pharmacie qui essayaient de bloquer quelque chose pour empêcher son activité, pour le mettre sur off, sur pause, si vous voulez. Et effectivement, en septembre 2015, en creusant la littérature, on a trouvé un traitement, alors on n'a pas identifié le traitement, on a juste vu que ce traitement était en cours de développement pour le cancer du sein et on a eu l'idée de le repositionner, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé la molécule. On s'est dit, ce traitement fonctionne potentiellement dans le cancer du sein, il est en cours de développement à l'époque, peut-être qu'il peut améliorer ce patient. Et en fait, par le biais de discussions avec le laboratoire propriétaire de la molécule, puis après avec l'agence du médicament française, donc ça c'est, on pourra en discuter, mais quand même un outil fabuleux qu'on a en France, de faire ces accès compassionnels pour les patients, on a pu lui offrir ce traitement, avec un certain nombre bien sûr de barrières et puis de risques aussi, à la fois pour lui comme pour nous, et on a rapidement obtenu en fait une amélioration des symptômes cliniques, biologiques, radiologiques, et donc on a fait le cheminement inverse habituel, c'est-à-dire qu'on a ensuite créé un modèle préclinique, c'est-à-dire on est parti du malade qui s'améliorait pour créer une souris qui avait les mêmes pathologies que lui, essayer de comprendre comment ça se développait, traiter la souris, et ensuite on a traité de plus en plus de patients grâce à ce protocole compassionnel, publié cela, et on a réussi à convaincre le laboratoire propriétaire de la molécule de continuer de développer cette molécule pour ces patients-là, et maintenant elle est autorisée aux États-Unis. Oui, puis voilà, depuis 2017, 70 patients atteints de ces malformations sont venus vous consulter à Necker. L'année suivante, ils étaient 140, 800 en 2020, puis 1100 en 2022. C'est ça, moi je vois environ 1000 et 1200 patients en consultation. Alors pour beaucoup, ils ont ce fameux PIK3CA qui est malade, mais pas uniquement en fait. On voit beaucoup de gens avec d'autres maladies déformantes où on trouve d'autres gènes. PIK3CA, c'est environ 60 à 70% des patients que l'on voit. Et donc pour cela, c'est bien, il y a un traitement qui n'est encore pas optimal. On peut encore améliorer, il y a plein de choses. C'est une prise en charge plus globale qu'il faut proposer. Mais il y a encore 30 à 40% des patients pour lesquels on n'a pas de traitement et on peut encore refaire du repositionnement si on trouve de nouveaux gènes qui peuvent être malades dans ces situations-là. Oui, l'avantage de repositionner un médicament, c'est que ça permet un développement plus rapide des traitements. Ça va plus vite que de trouver un traitement original. Exactement. Vous avez raison. C'est plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une molécule a été développée, en général, elle est déjà approuvée ou en cours d'autorisation. Là, ce qui est un peu nouveau dans ce que l'on a fait, c'est que cette molécule finissait une phase 1 d'essai clinique du cancer du sein, c'est-à-dire un développement très précoce. On ne savait même pas si le traitement était efficace dans le cancer du sein. C'était vraiment juste pour vérifier que ce médicament ne soit pas toxique et arriver à trouver la dose maximale tolérée chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc le repositionnement, c'est faisable, dans des indications bien précises. Il y a quand même un certain nombre de barrières à franchir, et notamment de barrières administratives, puisque quand vous utilisez une molécule que vous repositionnez, il y a tout de même un enjeu pour l'industriel qui est propriétaire de la molécule, de savoir si vous n'allez pas générer de nouveaux effets secondaires, une toxicité qui n'avait pas été anticipée dans ce groupe de malades et qui pourrait bloquer son développement ultérieur dans l'indication principale du cancer, par exemple. Donc, c'est ce que l'on a essayé avec Agnès et tous les gens qui ont participé aux différents groupes de travail, de voir comment on pourrait arriver à faire en sorte qu'il y ait moins de risques pour l'industriel ou un risque partagé, entre guillemets, tout ça au bénéfice du patient. Agnès Linglard. Non, parce que vous aussi, vous travaillez sur la partie thérapeutique. Ce qui vous intéresse, c'est aussi de réfléchir à comment on peut faciliter les essais cliniques chez les patients. Oui, absolument. Aller plus vite. Et donc ça, c'est un point qui est critique, parce qu'en fait, dans les maladies rares, c'est très difficile, vu la définition de la maladie, c'est très difficile de rassembler des grands groupes de patients. Donc, une des difficultés qu'on a pour participer aux essais cliniques ou pour créer des essais cliniques, amener des médicaments sur le marché, c'est d'avoir des méthodologies qui soient adaptées aux maladies rares. Et donc, on a travaillé ce point-là. Il existe des systèmes de financement des programmes de recherche clinique, d'essais cliniques, mais qui ne sont pas toujours très bien adaptés aux maladies rares. Et on a besoin, quelque part, d'identifier des modes de financement qui soient vraiment dédiés pour qu'on puisse développer ces nouvelles méthodologies qui nous permettent de d'évaluer l'efficacité, la tolérance de ces nouveaux médicaments chez les patients, et en essayant d'accélérer cette phase, comme l'a bien décrit Guillaume, entre le modèle animal, l'étude dans la cellule et arriver chez le patient. Yann Cornillier. Oui, et puis on peut aussi parler aussi de l'identification des médicaments, parce que effectivement on a besoin de toutes ces sortes de données, et donc des patients, etc., pour pouvoir identifier les molécules qui pourraient agir sur leur mutation. Et donc tout l'enjeu aussi d'identifier toutes les médicaments qui existent déjà et qui pourraient être utiles aux patients. Donc ça, c'est aussi un des enjeux du prochain plan. Oui, vous souhaitiez réagir. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un point important, parce qu'au cours de l'élaboration du plan, en fait, on a demandé à faire un panorama, en fait, des molécules utilisées hors indication, justement, au sein de toutes les filières de pathologie. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 90 molécules utilisées hors indication. Donc, c'est extrêmement important. Il y a plein de molécules déjà disponibles dans le commerce qui peuvent améliorer un certain nombre de pathologies. Après, il faut arriver à faire en sorte que ces molécules puissent être reconnues et financées et prises en charge, en fait, puisque c'est un enjeu clé pour les patients, c'est de ne pas avoir à payer de leur poche des traitements qui parfois coûtent cher et qui vont prendre potentiellement toute une vie. On vient de voir que le repositionnement de médicaments, c'est l'une des stratégies très prometteuses pour la recherche de traitements. Mais dans l'arsenal thérapeutique, on compte aussi beaucoup sur les thérapies géniques pour contrer les anomalies génétiques. On en est où des thérapies géniques in vivo et ex vivo, Agnès Linglard? C'est pas la même chose en plus. La thérapie génique, c'est vraiment c'est quelque chose qui augmente, qui a un vrai potentiel pour des maladies rares et beaucoup aussi pour des maladies ultra rares. Ce qu'on avait évoqué et qui peuvent se trouver face à une difficulté de financement pour ces maladies ultra rares. Ceci dit, c'est quand même un modèle qui est vraiment magnifique, parce que c'est l'idée de pouvoir apporter à l'organisme la molécule qui est déficiente. Non pas par un médicament, mais par une production endogène par l'organisme. Donc moi, je peux vous faire part de ma petite expérience, puisqu'on a travaillé avec une équipe INSERM et puis le Généton, l'équipe de Giuseppe Rantiti, pour en faisant de la thérapie génique, c'est-à-dire en donnant à des malades qui ont, enfin, c'est pas des malades, c'était des souris, puisque c'était un travail préclinique, qui ont une forme rare de rachitisme, et donc ça veut dire qu'elles ont les os qui ne sont pas minéralisés, en injectant un virus qui permet que le foie fasse lui-même la production de la molécule thérapeutique. Et donc ça, c'est une des preuves de concept tout à fait nouvelles, qui permettent d'améliorer complètement les symptômes, et pour certains symptômes, de les faire complètement disparaître. Donc un vrai espoir de thérapie génique in vivo, finalement, pour les patients. Et puis, vous avez publié justement vos travaux dans Science Advances sur cette preuve de concept en 2021. Yann Cornillier, vous souhaitez réagir ? Oui, juste là, effectivement, on a un bel exemple de thérapie génique in vivo, et juste pour rappeler ce que quand c'est ex vivo, c'est-à-dire qu'on va prélever les cellules du patient, qui sont les cellules souches, qu'on va modifier en laboratoire, et puis on va les réinjecter dans le patient, et là, elles vont permettre de guérir le patient en se multipliant dans le corps du patient. C'est ce qu'on a utilisé pour les bébés bulles, donc ces fameux enfants qui avaient un déficit immunitaire très grave, et qui étaient obligés d'être dans le milieu stérile, et on a réussi à soigner par cette méthode. Cette approche ex vivo qui était d'ailleurs directement issue des travaux menés dès les années 90 à l'hôpital Necker, et qui était une première mondiale dans la guérison en effet de ces enfants bébés bulles. Quels sont les autres défis qui nous attendent demain ? Restez à l'écoute. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous parlons de maladies rares avec Guillaume Canot et Agnès Linglard. Une émission en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. Ce vaste ensemble qu'on nomme maladies rares comprend donc les maladies d'origine génétique, infectieuses, cancéreuses et aussi auto-immunes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Vous êtes allée au centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France, basé à l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez observé comment fonctionne la prise en charge des patients. Oui, aux côtés de Luc Mouton qui est chef du service de médecine interne et qui coordonne ce centre. Ici, on traite les maladies auto-immunes systémiques comme les vascularites, la sclérodermie ou bien le lupus. Après diagnostic, on adapte le parcours des patients par une stratégie thérapeutique personnalisée. En fonction, les patients peuvent rester en hôpital de jour ou bien deux semaines dans un service où il est aussi possible pour eux d'intégrer des protocoles de recherche clinique. Dans ces locaux du centre de référence viennent les patients pour des consultations externes, mais aussi pour des prises en charge dans le cadre de protocoles thérapeutiques. Et ces protocoles thérapeutiques concernent des maladies comme les vascularites, qui sont un groupe de maladies inflammatoires des vaisseaux, mais également le lupus, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie et enfin les grossesses au cours des maladies auto-immunes. Et donc en fonction de la certitude diagnostic d'emblée ou de la nécessité d'effectuer des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic, le circuit du patient ne sera pas tout à fait le même, puisque si le patient vient avec l'annonce diagnostique faite et le diagnostic posé, on peut d'emblée quelquefois lui proposer un protocole thérapeutique, alors que si le patient vient avec une interrogation diagnostique, ben notre rôle est de confirmer ou infirmer ce diagnostic et souvent ça passe par une hospitalisation de jour. Donc c'est ici que la patiente va pouvoir faire des tests et des examens médicaux plus poussés pour ensuite le flécher vers un parcours patient type s'il en existe un. Alors comment ça se passe ici? On voit qu'on est dans un espace où il y a différents secteurs, on imagine qu'il répond à différentes étapes. Si vous prenez le centre de référence lui-même, il y a des boxes de consultation. Là vous voyez, il y a un de nos collègues qui est en consultation. Vous avez donc notre infirmière de recherche clinique Valérie, et puis vous avez deux lits qui sont en fait des fauteuils protocolaires. Ce sont des patients qui éventuellement vont recevoir des traitements dans le cadre d'une étude clinique, par exemple comparant un traitement à un placebo. Et donc nous avons de très nombreuses études cliniques qui sont actuellement en cours. Et donc Valérie a quelquefois beaucoup de difficultés à trouver le temps nécessaire pour s'occuper de l'ensemble des patients inclus dans toutes ces études. Je ne m'ennuie pas. Voilà. En quoi consiste votre rôle au sein de ce centre référence en particulier ? À l'organisation des protocoles, dans de l'arrivée jusqu'à... Généralement, c'est tous les mois qui sont... Bon, souvent, ils reviennent très régulièrement. Donc c'est effectivement aussi l'organiser, les rassurer. Leur expliquer comment vont se passer les visites, ça va être tout ce qui est soins, prise de sang, les injections et autres. Mais effectivement, c'est un suivi qui est régulier. Donc au début, ils arrivent effectivement peut-être un petit peu stressés, mais au fil du temps, tout va bien. Oui, entre la prise en charge et la recherche, les protocoles à monter, ça fait beaucoup de choses à mener en parallèle. Et là, en plus, on parle de maladies rares, donc on dit que dans les protocoles, il faut un échantillonnage suffisamment significatif. Et là, est-ce que vous avez des difficultés à recruter des patients pour avoir des essais assez robustes? Ce que je vais dire, c'est que globalement, on a la chance d'avoir un recrutement vraiment important de patients atteints de ces maladies systémiques auto-immunes rares. À travers ces groupes de recherche nationaux, en fait, on arrive à recruter des patients dans les essais. Dans un essai où il faudrait mettre 80 patients, le service ne pourra pas en mettre plus que 10 ou 20. Il faut vraiment que ce soit multicentrique et national pour qu'on arrive au but. Bon, merci Valérie. De rien, demain matin. Oui. Tout est prêt pour vous. Oui, grosse consulte demain. Ouais. Donc là, maintenant, nous allons visiter l'hôpital de jour. Donc cet hôpital de jour est composé de 11 lits. Et donc les patients arrivent à 8h le matin et puis ils vont quitter cet hôpital de jour vers 17-18h et ils vont avoir soit des examens complémentaires dans le cadre d'un bilan de leur maladie, par exemple au cours de la sclérodermie, soit des traitements qui sont des traitements mensuels ou éventuellement des traitements semestriels en fonction des traitements qui sont appliqués. Ça peut être des immunoglobulines intraveineuses à visée immunomodulatrice, et ça va être par exemple tous les mois, ou ça peut être du rituximab en traitement d'une vascularite, et là ça va être tous les 6 mois. Voilà. Je m'appelle Bertrand Dunoguet, donc je suis un des praticiens hospitaliers du service de médecine interne de l'hôpital Cochin. Et je m'occupe donc entre autres des maladies rares, donc auto-immunes, qui sont les principales maladies qu'on prend en charge dans le service, notamment la sclérodermie systémique. Et donc, il arrive en fait que pour des raisons de délai, on ne puisse pas attendre le temps de programmer une journée d'hospitalisation. Et donc, on essaye de mettre le patient plus rapidement dans un lit et pour programmer des examens complémentaires sous forme d'une hospitalisation de semaine. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir plus vite une hospitalisation et faire quelques examens en plusieurs jours et de prendre une décision diagnostique et ou thérapeutique dans un délai court. Et donc, on a un hôpital de semaine de 14 lits. Donc, les patients, pour la plupart, rentrent le lundi, sortent le mercredi, ou rentrent le mercredi, sortent le vendredi, où ils vont recevoir des traitements sur quelques jours, ou avoir un bilan diagnostique quand le diagnostic n'est pas tout à fait évident au départ, ou quand le nombre des examens complémentaires à effectuer est important pour arriver au diagnostic de maladies rares. Donc vous avez, il y a une chambre à deux, la plupart sont des chambres seules. Vous avez le poste infirmier ici, et on voit notre aide-soignante Sophie qui est là. Bonjour Sophie, vous allez bien ? Et donc Sophie travaille l'après-midi en hôpital de semaine. Bonjour. Donc Najim est un de nos infirmiers qui travaille particulièrement en hôpital de semaine l'après-midi. Dans quel état d'esprit en général arrivent les patients ici qui savent qu'ils sont un cas très particulier et qu'il va falloir beaucoup de courage et d'abnégation ? Écoutez, franchement, je trouve qu'on a des patients remarquables, qui sont très volontaires pour participer. Ces patients, en fait, sont très, très volontaires pour participer aux études cliniques. Certains spontanément le proposent en arrivant et finalement, assez peu de patients refusent de principe la participation aux études cliniques, aux bases de données. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Eh bien, on y revient, Guillaume Cano. On entendait l'importance de la base de données dans ce reportage. Vous, c'est selon vous aussi un axe de travail majeur. Effectivement, c'est un des points clés, en fait, dans la prise en charge des pathologies rares. D'ailleurs, pas que. Au cours du plan numéro 3, il y a eu la mise en place de cette fameuse Banque nationale de données de maladies rares, la BNDMR, qui est un outil fabuleux où on doit entrer tous les patients à l'intérieur pour avoir une idée globale sur le nombre de pathologies. Et on va essayer de promouvoir avec Agnès sur les 5 années qui viennent cette banque nationale pour que tous les patients, en tout cas le maximum de patients puissent être inclus, qu'on puisse avoir un set de données minimum pour chaque patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pouvoir connecter ces bases de données avec l'Europe, bien sûr, pour avoir plus de patients. Plus il y a de patients, plus on a de poids pour avancer, notamment auprès des industriels de la pharma, pour développer des traitements, mais également pour pouvoir comprendre l'histoire naturelle des maladies. On en discutait tout à l'heure, les essais cliniques sont très difficiles à faire dans les maladies rares. Vous ne pouvez pas avoir un essai clinique ou alors, avec beaucoup de difficultés, classique, où vous avez un groupe placebo, un groupe qui reçoit le traitement, 500 patients par groupe, des années de suivi, c'est difficilement techniquement et difficilement éthiquement. Donc on réfléchit à de nouveaux types d'essais cliniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez l'histoire naturelle d'une maladie, vous pouvez comparer le devenir de votre patient quand vous le traitez avec ce que l'on connaît de l'histoire naturelle. Donc les bases de données ont un rôle vraiment extrêmement important pour la prise en charge de ces pathologies. Vous souhaiteriez également promouvoir la biocollection, créer une biobanque nationale. Alors, ça existe déjà. En fait, chaque centre hospitalier qui prend en charge des patients avec des pathologies rares a effectivement en général une biocollection, c'est-à-dire qu'on collecte du sang, du plasma, des urines, de l'ADN, peu importe, beaucoup de choses. Mais ce qui est difficile, c'est que justement, il n'y a pas d'unité dans la façon dont ces biocollections sont faites en France. Il n'y a pas un portail national qui permet de savoir où sont les échantillons, quel type d'échantillon a été collecté, comment on pourrait avoir accès à ces échantillons si on veut faire de la recherche. Le but d'une biocollection, c'est de pouvoir l'utiliser pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et donc, on voudrait simplifier, hein. Encore une fois, c'est une espèce de choc de simplification qu'on va essayer de proposer avec Agnès, faire en sorte qu'il y ait un portail simple, que toutes ces bases de données, ces biocollections, soient répertoriées, qu'elles soient toutes menées à bien avec des conditions de haut standard qualité, c'est-à-dire qu'on répertorie voilà, chaque échantillon de la même manière, gardé dans les mêmes conditions, qu'on puisse avoir, comme le disait Agnès tout à l'heure, un consentement unique ou alors une non-opposition, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on collecte des données et puis ensuite, les patients savent que ces données sont là, tous les médecins qui sont intéressés ou les chercheurs intéressés peuvent y avoir accès et ensuite, on peut faire des protocoles de recherche. Vous évoquez, Guillaume Gano, à l'instant aussi le rôle des industriels. On n'a pas évoqué, et on peut le faire assez rapidement, hein, les maladies ultra rares, sur lesquelles là aussi il faut travailler. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, plus de 80 ou 90% des pathologies sont finalement expliquées par deux ou trois maladies dans les maladies rares. Et donc, on a beaucoup de pathologies ultra rares, où vous vous retrouvez avec 2, 3, 4, 5 patients en France, ou une dizaine. Et donc, l'intérêt d'abord d'être connecté avec l'Europe, c'est de pouvoir augmenter le nombre de patients atteints de ces pathologies, encore une fois, de motiver les industriels de la pharmacie. Mais un des enjeux clés, parce que il arrive régulièrement pour ces pathologies ultra rares, il puisse y avoir des thérapies, notamment des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on peut arriver à guérir une maladie, mais pour cela, il faut arriver à motiver un industriel à développer des thérapies pour lesquelles il n'y a aucun avenir économique. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver d'industriel de la pharmacie qui aura envie de développer une thérapie génique ultra coûteuse, avec une réglementation extrêmement stricte pour 3, 4, 5 malades. Donc c'est un des enjeux du plan qu'on considère en ce moment, c'est comment faire en sorte que tous les patients puissent avoir accès à des traitements et dans quelles conditions. Et autre enjeu, et impossible de se quitter sans l'avoir évoqué ensemble, Agnès Lingla, le problème de tous ces différents plans, c'est justement qu'il n'y a pas de pérennité, ce sont des plans à court et moyen terme seulement. Absolument, ce sont des plans à 4 ou 5 ans et on voit bien dans tout ce qu'on a évoqué, un traitement ça se développe sur plusieurs années, le diagnostic moléculaire ça demande également du temps, il nous faudrait une stratégie et il nous faut une stratégie à au moins 10 ans et même je crois qu'il faut évoquer le mot de pérennité, il nous faut des financements pérennes. Alors on peut évoquer l'organisation des soins mais aussi le financement de la recherche, on a besoin d'identifier et d'avoir une stratégie de recherche qui soit sur le long terme et qui se coordonne avec cette notion d'organisation des soins, avec une visibilité sur du long terme. Donc c'est important pour nous qu'on puisse regrouper la formation, l'organisation des soins, les programmes de recherche dans une structure qui soit unique et identifiée, pourquoi pas un institut. Guillaume Cano. Effectivement, le mot était dit. Agnès vous a expliqué qu'on a besoin de pérennité, on a besoin en fait de pas se remettre en question tous les 2-3 ans en disant « Oh là là, on arrive à la fin du plan, est-ce qu'on va être financé pour les années qui viennent ?» Donc on réfléchit, et ça va être un des points que l'on va porter avec tous les acteurs du plan, à la mise en place d'un institut national des maladies rares, un peu à l'instar de ce qui est fait pour le cancer, l'Institut national de cancérologie, qui permet d'avoir dans une unité de lieu à la fois la prise en charge de la recherche préclinique, clinique, mais également l'organisation des soins. Donc pour nous, c'est un des enjeux majeurs. Dans quelques instants, on vous parle de toute autre chose avec la chronique Avec Science, mais je rappelle que le nouveau numéro du Mac de l'Inserm sur les maladies rares est disponible en ligne. Le prochain numéro sera consacré à la prématurité, c'est ça ? C'est ça, exactement. Super, disponible fin mars, début avril. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et merci Yann d'avoir co-animé cette émission à mes côtés. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, le succès évolutif des serpents. Comment expliquer le succès des serpents? Un succès pas forcément auprès de nous humains, surtout si vous êtes ophiophobe. Non, les serpents présentent un succès évolutif. On dénombre près de 4000 espèces différentes dans le monde, de toutes les tailles, toutes les couleurs, avec tous les motifs. Ils sont parfois venimeux et surtout ils se retrouvent sur tous les continents et dans tous les habitats, même les plus extrêmes, des déserts aux forêts humides, en passant par les milieux aquatiques, eaux douces ou salées. Ils sont partout. Les seules régions que les serpents n'ont pas qui ce sont les pôles. Donc, première particularité, ce succès. La seconde, c'est leur classification. Ils font partie des squamates, un groupe qui englobe tous les vertébrés à écailles qui changent régulièrement de peau. Squamates, desquamés. Mais d'un point de vue évolutif, on ne différencie pas les lézards des serpents. Et non, ne pas avoir de pattes ne suffit pas. Nicolas Vidal est herpétologue et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Les squamates, ça comprend 10 000 espèces. Et ça comprend les lézards, les amphisbelles, des lézards très particuliers, fouisseurs, qui sont faiblement diversifiés. Et puis surtout, on a les serpents avec plus de 4000 espèces. Mais les serpents, c'est une lignée de lézards particulière. On n'a pas un groupe de lézards et puis les serpents en face, si vous voulez. Il y a eu 25 lignées de lézards qui ont perdu les membres aussi, enfin une réduction des membres. Alors évidemment, les serpents ont des caractéristiques particulières, mais ce n'est pas sur cette diminution des membres, en tout cas des membres postérieurs, hein, ils ont perdu les pattes, mais par contre, on a une absence complète de ceinture scapulaire, c'est-à-dire de membres avant. Là, c'est particulier aux serpents. On a des caractères morphologiques qui distinguent les serpents des lézards, mais d'un point de vue évolutif, ce sont des lézards. Les serpents sont des lézards qui ont réussi. La grande question, c'est comment? Comment expliquer une diversification d'espèces aussi grande? Pour y répondre, cette nouvelle étude qui fait la une du magazine Science a accumulé énormément de données. D'abord, génétique. Ces scientifiques ont séquencé des milliers de gènes et ont combiné ces informations avec celles disponibles dans les banques de données, ce qui correspond à 7000 des 11000 espèces de squamates existants. C'est du jamais vu. L'autre aspect de cette étude, c'est d'être parvenu à récolter des données alimentaires. Et il est difficile de savoir exactement ce que mangent les serpents. Ce sont des animaux discrets et solitaires. On sait qu'ils sont carnivores, certes, mais il fallait aller dénicher exactement de quelle proie ils se nourrissent. Et c'est donc un tour de force. S'ajoutent à cela d'autres données observationnelles sur leur taille, la forme de leur crâne, leur longueur et leur poids, afin de créer un arbre phylogénétique des serpents, le plus précis qu'on ait jusqu'à présent. Le but est de déterminer les dates d'apparition de certains de leurs traits en les comparant au reste des squamates. Résultat, ce qui a fait et fait encore le succès des serpents, c'est leur vitesse d'évolution. Donc les serpents présentent plus d'innovations au niveau morphologique, par exemple, et ces innovations sont plus rapides que chez les autres lézards. Alors, en moyenne, d'un ordre de 1,6 à 3 fois plus que chez les autres lézards. Alors, pour la forme du crâne, c'est 3 fois plus. Pour l'élongation, c'est 6 fois plus. Pour l'alimentation, c'est 3 fois plus. Pour la masse, c'est 12 fois plus. Donc, plus d'innovation et plus rapide. Alors, ce qui est montré dans l'étude, c'est que tout cela est arrivé tôt dans l'évolution des serpents. Et en particulier, on a un groupe qu'ils appellent les colubriformes, qui comprend 3100 espèces de serpents sur les 4000. Alors, c'est un groupe qu'on appelle aussi les serpents avancés, qui comprennent tous les serpents venimeux, qui sont apparus un petit peu avant l'extinction crétacé-tertiaire, mais qui ont explosé au Cénozoïque. Eh bien, c'est principalement ce groupe-là qui présente toutes ces innovations. Une horloge évolutive très rapide que les auteurs et autrices nomment une singularité. Mais qu'est-ce qui l'a initialement déclenché? Eh bien, ça, on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Une autre question turlupine les herpétologues depuis le 19e siècle. Les serpents ont-ils une origine aquatique ou terrestre? Les dernières études penchent pour l'instant plutôt côté terre, mais il reste encore beaucoup à analyser dans ce gigantesque jeu de données. Et la suite de ces travaux permettra peut-être de trancher cette question une fois pour toutes. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.